L'Allemagne, deuxième puissance mondiale après la Russie, j'opère la mafia 2048. Ils nous ont construit des nanterres Mars, des usines sur cartographie des cibles. Nous avoisinons la marchandise à l'Allemagne, par la porte des étoiles avec camion Delta, Alpha, Romeo, Crusso. Viennent tout se refait à jamais et fait nos études. Nous ont permis de créer 6 millions de travailleurs hostiles. Ils sont futiles pour la France. Le trafic import-export s'est développé. La taxe aux frontières est de 1 centime pour colis sur onde magnétique. La poste envoie des rapidos ou 45 minutes livraison expresso. Le temps n'a plus d'importance, la vie compte. Les commerces sont subtils en France, on paye le prix de gros et on réserve en détail avec droits de transport et d'usine en Allemagne. L'Allemagne, première tournante de l'histoire, nos classes sont des jus de livres d'histoire. C'est pour ça on est facile et je suis efficace, je tâte. Les camions circulent de pays en pays jusqu'au nos postes postales, tout est certain. Amazon s'est agrandi au Canada et en Russie, c'est une fonction traditionnelle des fonctionnels. Le futur est incertain, nous voyageons à la vitesse de la lumière en tant que progrès unitaire. Tous ensemble sont nos technologies qui arbitrent numéro 1. Mon tel jardinien, mon passé, je passais, je te dépasse, j'ouvre le passe, mes droits. L'intersocialisme, je code des codes pour le carnet version 14. Je fonctionne pour des maçons et leur retraite. Je suis pas à la traîne et perds toujours le train pour j'envole un Herbie restitué, note augmentée. J'ai le level BTS, level ingénieur. Qui me connaît, qui m'a à côté de moi, petit moi. Belgique qui s'y proche à la fois pour les voix nous importe. Les portes, je reste en contact, mais mets le courant. Tout est monde, à même palier, la mafia 2048. Mes ancêtres étaient là bien avant j'atterris. Pour l'Algérie, en quart, j'ai agrandi, c'est 450 et mon facteur chasse donne la pointe. Sayonara, bienvenue au Japon. Salle de jeu arrière, jeu debout, un train pour son chemin. Les arcades tous les dimanches midi, je réussis la suite de la réussite. Voiture volante, tondage, j'apprécie les feux ping-pong qui réagissent sur la piste. Les réseaux sont japonais, Sobified et Netflix forment qu'un le petit japonais. Un jour un karaoké pour marcher seul, de licence dans la France. Les mangaka, livres et films ont été importés et compotés dans leur compote de pommes. Acheter film ouvert avec figurines, rigoles et tête filmée. Pokémon Euro fait à neuf pour les deux meufs pourris de YouTube, caméra de surveillance dans YouTube. Les tremblements de terre ajoutés dans le système 10 qui en fait un 10. La réussite toujours promis en 2040, je change et je change. La puissance au caméra est là, avec Inconitus nouvelle marque. Maya était pulvérisée, option déterminée, acteur japonais sanctué. Les rapides hausses sont rapides, Blender et Maya et la qualité photo réaliste moteur de rendu externe dans l'extrême. Les PC reformatés, l'achat de nouvelles technologies AMD, Nvidia Core Processor boosté à 5000%. Mes ancêtres étaient là bien avant. J'apprécie pour l'Algérie, au quart j'ai agrandi. C'est 4-5-4, c'est mon facteur chance, je donne la pointe.